Chapitre 16e. Mesmer et Saint-Martin. Il fut un temps où Paris, libre d'affaires, Paris plein de loisirs, se passionnait tout entier pour des questions qui, de nos jours, sont le monopole des riches, qu'on appelle les inutiles, et des savants, qu'on appelle les paresseux. En 1784, c'est-à-dire à l'époque où nous sommes arrivés, la question à la mode, celle qui surnageait au-dessus de toutes, qui flottait dans l'air, qui s'arrêta toutes les têtes un peu élevées, comme font les vapeurs aux montagnes, c'était le mesmérisme, science mystérieuse, mal définie par ses inventeurs, qui, n'éprouvant pas le besoin de démocratiser une découverte dès sa naissance, avait laissé prendre à celle-là un nom d'homme, c'est-à-dire un titre aristocratique, au lieu d'un de ces noms de science tirés du grec, à l'aide desquels la pudibonde modestie des savants modernes vulgarise aujourd'hui tout élément scientifique. En effet, à quoi bon, en 1784, démocratiser une science? Le peuple, qui depuis plus d'un siècle et demi n'avait pas été consulté par ceux qui le gouvernaient, comptait-il pour quelque chose dans l'État? Non. Le peuple, c'était la terre féconde qui rapportait, c'était la riche moisson que l'on fauchait, mais le maître de la terre, c'était le roi, mais les moissonneurs, c'était la noblesse. Aujourd'hui, tout est changé. La France ressemble à un sablier séculaire. Pendant 900 ans, il a marqué l'heure de la royauté. La droite puissante du seigneur l'a retournée. Pendant des siècles, il va marquer l'ère du peuple. En 1784, c'était donc une recommandation qu'un nom d'homme. Aujourd'hui, au contraire, le succès serait un nom de chose. Mais abandonnons aujourd'hui pour jeter les yeux sur hier. Au cours de l'éternité, qu'est-ce que cette distance d'un demi-siècle? Pas même celle qui existe entre l'abeille et le lendemain. Le docteur Mesmer était donc à Paris, comme Marie-Antoinette nous l'a pris elle-même en demandant au roi la permission de lui faire une visite. Qu'on nous permette donc de dire quelques mots du docteur Mesmer, dont le nom, retenu aujourd'hui d'un petit nombre d'adeptes, était à cette époque que nous essayons de peindre dans toutes les bouches. Le docteur Mesmer avait, vers 1777, apporté d'Allemagne, ce pays des rêves brumeux, une science toute gonflée de nuages et d'éclairs. À la lueur de ces éclairs, les savants ne voyaient que les nuages qui faisaient au-dessus de leur tête une voûte sombre. Le vulgaire ne voyait que des éclairs. Mesmer avait débuté en Allemagne par une thèse sur l'influence des planètes. Il avait essayé d'établir que les corps célestes, en vertu de cette force qui produit leurs attractions mutuelles, exercent une influence sur les corps animés, et particulièrement sur le système nerveux, par l'intermédiaire d'un fluide subtil qui remplit tout l'univers. Mais cette première théorie était bien abstraite. Il fallait, pour la comprendre, être initié à la science des Galilée et des Newton. C'était un mélange de grandes variétés astronomiques avec les rêveries astrologiques qui ne pouvaient, nous ne disons pas se populariser, mais s'aristocratiser. Car il eût fallu, pour cela, que le corps de la noblesse fût converti en société savante. Mesmer abandonna donc ce premier système pour se jeter dans celui des aimants. Les aimants, à cette époque, étaient fort étudiés. Leurs facultés sympathiques ou antipathiques faisaient vivre les minéraux d'une vie à peu près pareille à la vie humaine, en leur prêtant les deux grandes passions de la vie humaine, l'amour et la haine. En conséquence, on attribuait aux aimants des vertus surprenantes pour la guérison des maladies. Mesmer joignit donc l'action des aimants à son premier système et essaya de voir ce qu'il pourrait tirer de cette adjonction. Malheureusement pour Mesmer, il trouva, en arrivant à Vienne, un rival établi. Ce rival, qui se nommait L, prétendit que Mesmer lui avait dérobé ses procédés. Ce que voyant, Mesmer, un homme d'imagination qu'il était, déclara qu'il abandonnerait les aimants comme inutiles, et qu'il ne guérirait plus par le magnétisme minéral, mais par le magnétisme animal. Ce mot, prononcé comme un mot nouveau, ne désignait pas cependant une découverte nouvelle. Le magnétisme, connu des anciens, employé dans les initiations égyptiennes et dans le pitisme grec, s'était conservé dans le Moyen-Âge à l'état de tradition. Quelques lambeaux de cette science, recueillis, avaient fait les sorciers des XIIIe, XIVe et XVe siècles. Beaucoup furent brûlés, qui confessèrent au milieu des flammes la religion étrange dont ils étaient les martyrs. Urbain Grandier n'était rien autre chose qu'un magnétiseur. Mesmer avait entendu parler des miracles de cette science. Joseph Balsamo, le héros d'un de nos livres, avait laissé trace de son passage en Allemagne et surtout à Strasbourg. Mesmer se mit en quête de cette science éparse et voltigeante, comme ces feux follets qui court la nuit au-dessus des étangs. Il en fit une théorie complète, un système uniforme, auquel il donna le nom de mesmérisme. Mesmer, arrivé à ce point, communiqua son système à l'Académie des sciences à Paris, à la Société royale de Londres et à l'Académie de Berlin. Les deux premières ne lui répondirent même pas, la troisième dit qu'il était un fou. Mesmer se rappela ce philosophe grec qui niait le mouvement et que son antagoniste confondit en marchant. Il vint en France, pris aux mains du docteur Storck et de l'oculiste Wenzel, une jeune fille de 17 ans atteinte d'une maladie de foie et d'une goutte sereine, et après 3 mois de traitement, la malade était guérie, l'aveugle voyait clair. Cette cure avait convaincu nombre de gens et entre autres un médecin nommé Delon. D'ennemi, il devint apôtre. À partir de ce moment, la réputation de Mesmer avait été grandissante. L'Académie s'était déclarée contre le novateur, la Cour se déclara pour lui. Des négociations furent ouvertes par le ministère pour engager Mesmer à enrichir l'humanité par la publication de sa doctrine. Le docteur fit son prix. On marchanda. M. de Breteuil lui offrit, au nom du roi, une rente viagère de 20 000 livres et un traitement de 10 000 livres pour former 3 personnes indiquées par le gouvernement à la pratique de ses procédés. Mais Mesmer, indigné de la parcimonie royale, refusa et partit pour les eaux de Spa avec quelques-uns de ses malades. Une catastrophe inattendue menaçait Mesmer. Delon, son élève, Delon, possesseur du fameux secret que Mesmer avait refusé de vendre pour 30 000 livres par an, Delon ouvrit chez lui un traitement public par la méthode mesmérienne. Mesmer apprit ces douloureuses nouvelles. Il cria au vol, à la fraude. Il pensa devenir fou. Alors, un de ses malades, M. de Bergas, eut l'heureuse idée de mettre la science de l'illustre professeur en commandite. Il fut formé un comité de 100 personnes au capital de 340 000 livres, à la condition qu'il révélerait la doctrine aux actionnaires. Mesmer s'engagea à cette révélation, toucha le capital et revint à Paris. L'heure était propice. Il y a des instants dans l'âge des peuples, ceux qui touchent aux époques de transformation, où la nation tout entière s'arrête comme devant un obstacle inconnu, hésite et sent l'abîme au bord duquel elle est arrivée et qu'elle devine sans le voir. La France était dans un de ces moments-là. Elle présentait l'aspect d'une société calme, dont l'esprit était agité. On était en quelque sorte engourdi dans un bonheur factice, dont on entrevoyait la fin, comme en arrivant à la lisière d'une forêt, on devine la plaine par les interstices des arbres. Ce calme, qui n'avait rien de constant, rien de réel, fatiguait. On cherchait partout des émotions, et les nouveautés, quelles qu'elles fussent, étaient bien reçues. On était devenu trop frivole pour s'occuper, comme autrefois, des graves questions du gouvernement et du molinisme. Mais on se querellait à propos de musique, on prenait parti pour Gluck ou pour Piccini, on se passionnait pour l'encyclopédie, on s'enflammait pour les mémoires de Beaumarchais. L'apparition d'un opéra nouveau préoccupait plus les imaginations que le traité de paix avec l'Angleterre et la reconnaissance de la République des États-Unis. C'était enfin une de ces périodes où les esprits, amenés par les philosophes vers le vrai, c'est-à-dire vers le désenchantement, se lassent de cette limpidité du possible qui laisse voir le fond de toute chose et, par un pas en avant, essaye de franchir les bornes du monde réel pour entrer dans le monde des rêves et des fictions. En effet, s'il est prouvé que les vérités bien claires, bien lucides, sont les seules qui se popularisent promptement, il n'en est pas moins prouvé que les mystères sont une attraction toute puissante pour les peuples. Le peuple de France était donc entraîné, attiré d'une façon irrésistible par ce mystère étrange du fluide mesmérien qui, selon les adeptes, rendait la santé aux malades, donnait l'esprit aux fous et la folie aux sages. Partout on s'inquiétait de Mesmer. Qu'avait-il fait? Sur qui avait-il opéré ces divins miracles? À quel grand seigneur avait-il rendu la vue ou la force? À quelle dame fatiguée de la veille et du jeu avait-il assoupli les nerfs? À quelle jeune fille avait-il fait prévoir l'avenir dans une crise magnétique? L'avenir, ce grand mot de tous les temps, ce grand intérêt de tous les esprits, solution de tous les problèmes. En effet, qu'était le présent? Une royauté sans rayon, une noblesse sans autorité, un pays sans commerce, un peuple sans droit, une société sans confiance. Depuis la famille royale, inquiète et isolée sur son trône, jusqu'à la famille plébéienne affamée dans son taudis, misère, honte et peur, partout. oublier les autres pour ne songer qu'à soi, puiser à des sources nouvelles, étranges, inconnues, l'assurant d'une vie plus longue et d'une santé inaltérable pendant ce prolongement d'existence, arracher quelque chose au ciel avare. N'était-ce pas là l'objet d'une aspiration facile à comprendre vers cet inconnu dont Mesmer dévoilait un repli? Voltaire était mort. Il n'y avait plus en France un seul éclat de rire, excepté le rire de Beaumarchais, plus amer encore que celui du maître. Rousseau était mort. Il n'y avait plus en France de philosophie religieuse. Rousseau voulait bien soutenir Dieu, mais depuis que Rousseau n'était plus, personne n'osait s'y risquer de peur d'être écrasé sous le poids. La guerre avait été autrefois une grave occupation pour les Français. Les rois entretenaient à leur compte l'héroïsme national. Maintenant, la seule guerre française était une guerre américaine, et encore, le roi n'y était-il personnellement pour rien? En effet, ne se battait-on pas pour cette chose inconnue que les Américains appellent l'indépendance, mot que les Français traduisent par une abstraction, la liberté? Encore, cette guerre lointaine, cette guerre, non seulement d'un autre peuple, mais encore d'un autre monde, venait de finir. Tout bien considéré, ne valait-il pas mieux s'occuper de Mesmer, ce médecin allemand qui, pour la deuxième fois depuis 6 ans, passionnait la France, que de Lord Cornwallis ou de M. Washington, qui étaient si loin qu'il était probable qu'on ne les verrait jamais ni l'un ni l'autre? Tandis que Mesmer était là. On pouvait le voir, le toucher, et ce qui était l'ambition suprême des 3/4 de Paris, être touché par lui. Ainsi, cet homme, qu'à son arrivée à Paris, n'avait été soutenu par personne, pas même par la reine sa compatriote, qui cependant soutenait si volontiers les gens de son pays, cet homme, qui sans le docteur Delon, qu'il avait trahi depuis, fut demeuré dans l'obscurité, cet homme régnait véritablement sur l'opinion publique, laissant bien loin derrière lui le roi, dont on n'avait jamais parlé, M. de Lafayette, dont on ne parlait pas encore, et M. de Necker, dont on ne parlait plus. Et, comme si ce siècle avait pris la tâche de donner à chaque esprit son aptitude, à chaque cœur selon sa sympathie, à chaque corps selon ses besoins, en face de Mesmer, l'homme du matérialisme, s'élevait Saint-Martin, l'homme du spiritualisme, dont la doctrine venait consoler toutes les âmes que blessait le positivisme du docteur allemand. Qu'on se figure l'athée avec une religion plus douce que la religion elle-même. Qu'on se figure un républicain plein de politesse et de regard pour les rois. Un gentilhomme des classes privilégiées, affectueux, tendre, amoureux du peuple. Qu'on se représente la triple attaque de cet homme doué de l'éloquence la plus logique, la plus séduisante contre les cultes de la terre, qu'il appelle insensé, par la seule raison qu'ils sont divins. Qu'on se figure enfin Épicure poudré à blanc, en habit brodé, en veste à paillettes, en culotte de satin, en bas de soie et en talons rouges. Épicure, ne se contentant pas de renverser les dieux auxquels il ne croit pas, mais ébranlant les gouvernements qu'il traite comme les cultes, parce que jamais ils ne concordent, et presque toujours ne font qu'aboutir au malheur de l'humanité, agissant contre la loi sociale, qu'il infirme avec ce seul mot, elle punit semblablement des fautes dissemblables, elle punit les faits sans apprécier la cause. Supposez maintenant que ce tentateur, qui s'intitule le philosophe inconnu, réunit, pour fixer les hommes dans un cercle d'idées différentes, tout ce que l'imagination peut ajouter de charme aux promesses d'un paradis moral, et qu'au lieu de dire « les hommes sont égaux », ce qui est une absurdité, il invente cette formule qui semble échapper à la bouche même qui la nie « les êtres intelligents sont tous rois ». Et puis, rendez-vous compte d'une pareille morale tombant tout à coup au milieu d'une société sans espérance, sans guide. D'une société, archipel semé d'idées, c'est-à-dire d'écueils. Rappelez-vous qu'à cette époque, les femmes sont tendres et folles, les hommes avides de pouvoir, d'honneur et de plaisir. Enfin, que les rois laissent pencher la couronne sur laquelle, pour la première fois, le peuple, debout et perdu dans l'ombre, attache un regard à la fois curieux et menaçant. Trouvera-t-on étonnant qu'elle fit des prosélytes, cette doctrine qui disait aux âmes « Choisissez parmi vous l'âme supérieure, mais supérieure par l'amour, par la charité, par la volonté puissante de bien aimer, de bien rendre heureux. Puis, quand cette âme, fait homme, se sera révélée, courbez-vous, humiliez-vous, anéantissez-vous toutes, âmes inférieures, afin de laisser l'espace à la dictature de cette âme, qui a pour mission de vous réhabiliter dans votre principe essentiel, c'est-à-dire dans l'égalité des souffrances, au sein de l'inégalité forcée des aptitudes et des fonctionnements. Ajoutez à cela que le philosophe inconnu s'entourait de mystères, qu'il adoptait l'ombre profonde pour discuter en paix, loin des espions et des parasites, la grande théorie sociale qui pouvait devenir la politique du monde. « Écoutez-moi, disait-il, âme fidèle, cœur croyant, écoutez-moi et tâchez de me comprendre, ou plutôt ne m'écoutez que si vous avez intérêt et curiosité à me comprendre, car vous y aurez de la peine. Et je ne livrerai pas mes secrets à quiconque n'arrachera point le voile. Je dis les choses que je ne veux point paraître dire, voilà pourquoi je paraîtrai souvent dire autre chose que ce que je dis. » Et Saint-Martin avait raison. Et il avait bien réellement autour de son œuvre les défenseurs silencieux, sombres et jaloux de ses idées, mystérieux cénacles, dont nul ne perçait l'obscure et religieuse mysticité. Ainsi travaillait la glorification de l'âme et de la matière, tout en rêvant l'anéantissement de Dieu et l'anéantissement de la religion du Christ, ces deux hommes qui avaient divisé en deux camps et en deux besoins tous les esprits intelligents, toutes les natures choisies de France. Ainsi se groupaient autour du baquet de Mesmer, d'où jaillissait le bien-être, toute la vie de sensualité, tout le matérialisme élégant de cette nation dégénérée, tandis qu'autour du livre des erreurs et de la vérité se réunissaient les âmes pieuses, charitables, aimantes, altérées de la réalisation après avoir savouré des chimères. Que si, au-dessous de ces sphères privilégiées, les idées divergeaient ou se troublaient, que si les bruits s'en échappant se transformaient en tonnerre, comme les lueurs s'étaient transformées en éclairs, on comprendra l'état d'ébauche dans lequel demeurait la société subalterne, c'est-à-dire la bourgeoisie et le peuple, ce que plus tard on appela le tiers, lequel devinait seulement que l'on s'occupait de lui et qui, dans son impatience et sa résignation, brûlait du désir de voler le feu sacré, comme Prométhée, d'en animer un monde qui serait le sien et dans lequel il ferait ses affaires lui-même. Les conspirations à l'état de conversation, les associations à l'état de cercle, les partis sociaux à l'état de quadrille, c'est-à-dire la guerre civile et l'anarchie, voilà ce qui apparaissait sous tout cela au penseur, lequel ne voyait pas encore la seconde vie de cette société. Hélas, aujourd'hui que les voiles ont été déchirées, aujourd'hui que les peuples promettés ont 10 fois été renversés par le feu qu'ils ont dérobé eux-mêmes, dites-nous ce que pouvait voir le penseur dans la fin de cet étrange 18e siècle, sinon la décomposition d'un monde, sinon quelque chose de pareil à ce qui se passait après la mort de César et avant l'avènement d'Auguste. Auguste fut l'homme qui sépara le monde païen du monde chrétien, comme Napoléon est l'homme qui sépara le monde féodal du monde démocratique. Peut-être venons-nous de jeter de conduire nos lecteurs après nous dans une digression qui a dû leur paraître un peu longue, mais en vérité, il eût été difficile de toucher à cette époque sans effleurer de la plume ces graves questions qui en sont la chair et la vie. Maintenant, l'effort est fait, effort d'un enfant qui gratterait avec son ongle la rouille d'une statue antique pour lire sous cette rouille une inscription aux 3/4 effacée. Rentrons dans l'apparence. En continuant de nous occuper de la réalité, nous en dirions trop pour le romancier, trop peu pour l'historien.